ça y est, on atteint notre but. On va atterrir du côté du village de préhistoire à l'opposé de l'île. La nuit tombe. Il va falloir être prudent. La zone est encerclée par les Hellboys. Et ça doit être encore pire à Jobar. Mais surtout, j'ai trop faim. Oui, moi aussi. Toutes ces péripéties m'ont épuisé. À mon humble avis, ça risque d'être assez mouvementé. Par ici. Cherche encore. Powa peut-être n'importe où. Aussi intelligent que psychomètre Reiji, ne me faites pas rire. Vous ne valez pas mieux que détective Conan. Allez, bougez-vous. Powa ? Mais qu'est-ce que vous fichez ici ? Rentrez vite avant de vous faire prendre ! Hein ? Bon, ok, on n'a pas le choix. Mais cet endroit, c'est le bar miteux de la ville de préhistoire. Oui, la tête de samouraï. Miteux ? Allez dire ça à mon meilleur client, Cumulus Aride. Enfin, peu importe. Qu'est-ce qui te prend de ramener ton soja par ici, Powa ? J'ai mes raisons. Et d'abord, à qui ai-je l'honneur ? Dumbanawa. Javel Fort Dumbanawa. Tenez, mangez ce que vous voulez, si c'est pas trop miteux pour vos papilles. Sérieux ? Merci ! Le frère de feu notre directeur. Écoutez, Powa, je sais pas ce que mon baka de frère vous a donné comme mission suicide, mais suivez mon conseil, allez-vous-en. Le monde d'otaku est fini, sauvez votre vie. Dire que je pensais que les Dumbanawa étaient les meilleurs otaku du monde, on dirait que toute la famille n'a pas hérité de ses dons. Vous n'en savez rien ! J'abuse. C'était toujours lui, le grand Jabus, le plus intelligent de la famille. Et moi, j'ai toujours été dans son ombre. Je connais un bon psy si vous avez des soucis de jalousie. Bon, si vous voulez laisser la vie, ça m'est bien égal. Vous voulez vous rendre à l'école, je suppose. Alors vous n'avez pas le choix. Il y a un passage sous la montagne. Les Hellboys ne sont pas au courant. Certains élèves le connaissent. Ils viennent de temps à autre pour me taxer à manger. Merci, monsieur Dumbanawa. Ouais, faites gaffe à vous. Qui est là ? Déclinez votre identité ! Je suis l'élu. Hachi ? Je rêve pas, c'est bien toi ? Et Milton ? Et Wan ? Oh putain, mais ça faisait un bail ! Mais c'est la salle du jeu de Shogi géant ? Eh ouais ! Ça n'a pas bloqué la trappe du temple du grand pop, mais il ne sait pas qu'il y a une sortie par là où vous êtes passé l'autre fois. Du coup, on en a fait notre base secrète ! Eh oui ! Ici au moins, je peux fumer tranquille. Mademoiselle Gourmande, je vous ai déjà dit que c'était mauvais pour la santé, et également pour nous. Oh, lâche-moi, toi. T'es même pas le sympa de Silverhawks, alors t'as rien à me dire. Toujours fidèle à elle-même. Bonjour, ami de moi. J'avais peur que vous vous soyez perdu en cours de route. Ben non, Yuya, on est bien là, en chair et en os. Et en métal, dans mon cas. Je te ferai remarquer, Yuya, que ton père nous a vendu au Hellboy. Alors ne viens pas nous chercher des noises. C'est bon, Milton, c'est pas de sa faute. Bon, Hachi, c'est quoi le plan ? C'est-à-dire ? Bah, concernant, tu sais pas qui ? Ah, ça ! Oui, oui, eh bien, c'est assez simple. J'ai eu une vision de Jobar, puis d'un objet assez vieux, ressemblant à une arme. Et on cherche ça. Je sais, c'est peu comme information. C'est rien comme information ! C'est un japonais, un coréen et un casse-cul qui sont dans un ascenseur. Et là, le Jap, il dit... Ah, la ferme sourdine, on réfléchit, là ! Ah, shit, vous la connaissez déjà ? Bon, personne peut nous aider, de toute manière, on va se débrouiller tout seul, comme d'hab. Tous les élèves sont priés de sortir de leur dortoir et de venir dans le temple principal. Eh bien, ça me fait plaisir d'entendre la voix de Snap. Il va pas être ravi de nous voir. Dépêchez-vous. Bien. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. J'ai eu vent de rumeurs. Des rumeurs comme quoi Hachi Powa serait sur cette île. Je vous préviens, tous autant que vous êtes. Si vous cherchez à le cacher, je ferai exécuter chacun de vos proches et je vous ferai pendre bien en évidence dans la cour. Si vous avez quelque chose à dire, il n'y a pas à tergiverser, c'est maintenant ou jamais. Eh bien, personne ? Moi, j'ai quelque chose à dire. Oui ? Allez-y. Votre école est un vrai gruyère. Même un enfant de 5 ans pourrait vous passer sous le nez. Vous ? Powa ? Alors comme ça, c'était vrai ? Comment osez-vous vous tenir à la place où le directeur Jabus Dumbanawa coulait ses vieux jours ? Vous qui l'avez assassiné ? c'était une erreur de venir ici ce soir pour voir. Je vais vous tuer, ici et maintenant. Merci vite, cher collègue. Professeur Madame Ingal ? Où c'est vous, mon petit choupinou de Monsieur Power ? Il est temps de destituer ce lâche. Ne me faites pas rire, comme si votre transformation cyborg en chat allait m'effrayer. Nom de spoiler, il s'est transformé en lion. Bon, vous l'aurez voulu, je vais rameuter les Hellboy. Super convaincant votre costume, professeur. On est professeur de cosplay ou on l'est pas, Power. Et nous ferions mieux de le poursuivre maintenant. Vous avez raison. Le faisceau, il y a la marque de Batman dans le ciel. Ah, qu'est-ce que c'est que ce vrombissement? Regardez au loin. Ce sont les Hellboy, ils arrivent en vaisseau. Bonsoir à tous, chers otaku de l'école de Chauvard. Alors comme ça, vous avez décidé de vous rebeller contre nous. Vous savez pourtant que vous n'avez pas la moindre chance de survivre. Soyez raisonnables et livrez-nous à Chippewa. Et vous pourrez revoir vos familles sains et saufs. Jamais. Plutôt se suicider avec du poisson pas frais. Vous avez donc choisi l'option massacre. J'aimerais bien savoir avec quelle armée vous allez nous combattre. Ce n'est pas avec une poignée de gamins et quelques profs à la ramasse que vous vous en sortirez. Un petit coup de main, Poa? Regardez, sur tous les toits des temples. L'ordre de Phénix au grand complet. Nous allons vous protéger, les enfants. Vous avez eu notre message radio alors? J'y crois pas! C'est Bronx et le professeur Lapin! Et aussi tout un tas de types balèzes qu'on connaît pas! Lupin. Ah, je crois que je ferais mieux d'abandonner avec lui. Dire que j'ai dû laisser mon enfant chez la nourrice au prix que ça coûte! Vous allez déguster les Hellboy! Tenez bon, les mômes! Yeah! Papa, maman! Ah, je suis content de vous retrouver! One, tu n'es pas encore couché à cette heure-ci! Mais maman! Vous êtes sérieux, là? J'attends de voir ça. Allez, mes Hellboy, tuez-les tous, sauf Power. Je veux qu'ils voient la mort en face. Les voilà! Power, j'imagine que le professeur Dumbanawa vous a donné une mission. De quoi avez-vous besoin? De temps. Tout le temps que vous pouvez nous fournir. Je vois. Dans ce cas, nous allons déjà essayer de survivre à ces assauts. Heureusement, j'ai le trousseau de clés goodies Fairy Tail que m'a confié mon minou. Si je me souviens bien, la serrure est sur cette statue. J'ai toujours rêvé d'enclencher ce mécanisme un jour. Jobar va trembler. Prenez vie, les 12 statues des Chevaliers d'Or. Venez défendre l'école. C'est Kaino Tomodachi. Je sens que l'on va bien s'amuser. Samus et les autres geeks qui ont les meilleures notes à mes cours de jeux vidéo. Vous allez dans mon bureau et vous trouverez une porte à l'arrière. Entrez le code LAMU et vous aurez accès aux tourelles de défense. Ça se présente sous la forme de bornes d'arcade de type Galaga. Les fondateurs de cette école avaient pensé à tout. Ok! Allez les Hellboy! Je suis bien décidé à vivre ma retraite, moi! J'ai toujours voulu tester le sabre laser du Luis 31 que j'ai conçu. Eh bien venez, bande de Hellboy à la noix. Vous croyez quoi? Que je me tourne les pouces? Je suis prof de sport. De tous les sports. Vous allez goûter à mon taijutsu acrobatique. Yeah! Transmutation! Ranger rouge des Document Sendai Co-Busters. Aïe! Tu pourrais faire gaffe avec ton taser trafiqué la 5ème année? Pour ta gouverne, je suis le senpai de la maison Silver Rock et le capitaine de l'équipe d'Angelic Killer. Et si possible, j'aimerais bien éviter de crever. Un minimum d'organisation dans une bataille à mort, c'est trop demandé. Dodo? Pochi, tu vas bien? Ça va, oui. On a entendu l'avertissement de tu sais pas qui de l'autre côté de la forêt. Nom de Dieu, on va vous aider. À moi, mon armée de chats robots psychopathes électroluminescents. Aride, Maître Aride est là. Sloth ? Mon tout petit. Quoi ? Ne me dites pas que c'est vous qui avez créé ce monstre ? Évidemment. Allez, Sloth, protège Jobar. Merci Yarid, bonne chance. Juan, Mitton, qu'est-ce que vous glandez? Faut trouver le Macross, il est dans l'école. On arrive, Hachi, on arrive. Cyclone Smash. Par ici. Passez vite, Poa. Le maître vous veut vivant. Bon sang, ils ont des mégas. Je rêve, c'est limitrophe dans un Goldorak. Il est avec d'autres Hellboys. On est fichus. Ils ont des Nadesico. Mon finger en point vous tient au chaud. Rends-toi immédiatement et il n'y aura pas trop de morts, Poa. Descends me le dire en face, limitrophe. Ils sont trop nombreux, on n'a pas la moindre chance. Ça fait trop flipper. Optimus. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes, Hachi? Désolé, j'ai toujours voulu dire ça. Je veux te protéger, ma belle Hamilton. Aussi vrai que je m'appelle Wingman Lukum. Qui? C'est Wingman, il pilote un mecha. Surpris? J'ai emprunté les robots géants à Destinova. J'ai un Gundam, et oui, les fleurs ont des Evangelion. Ce sont ceux que l'équipe Bulka a utilisés lors de la Coupe du Monde. Et je peux vous assurer que c'est la dernière technologie, ça. Rien à voir avec les antiquités des Hellboy. Juan, Hachi, Elmiton, faites ce que vous avez à faire. On s'occupe de les retenir. Will, comme t'as trop la classe là-dedans. Prenez ça, espèce de ramassis de gingembre pourri. Vous allez payer pour avoir saboté mon mariage. Ouais! Bonne chance! Allez, c'est par là! Bon, vous avez une idée d'où ça pourrait être? Je sais pas, le bureau de Dunbanawa peut-être! Ou la salle commune des Cobras! J'imagine que Dame Jokerman appartenait à cette maison! Ou alors on fait exploser l'école, comme ça plus de soucis! Toujours aussi inutiles tes idées, Juan! Ben quoi? Bon ok, on va voir à la salle commune des Cobras, il faut bien commencer quelque part! J'ai pas le temps, Yuya! Hachi! Arrête-toi! Mais lâche-moi, je te dis! Hachi, pourquoi tu vas t'arrêter maintenant? Tu as bien dit que tu avais eu une vision d'un vieil objet, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai dit. Dans ce cas, c'est simple! Il faut que tu demandes à Arietti, elle est là depuis si longtemps, elle connaît tout sur Jobar! La mini Persocom? Arietti? Oui, t'as raison, c'est une très bonne idée! Allez, on y va, c'est au temple du grand pop! Arietti! Arietti! Oui? Qu'est-ce qui se passe encore? Arietti, j'ai une question importante à te poser! Je n'ai rien à te faire, débrouillez-vous! Attends! Qu'est-ce que vous me voulez? Je profite de toute cette agitation pour emprunter plein de choses! Oh! Elle est kawaii! On cherche une arme! Une arme usée! Il est possible que Tam Jokerman, l'ami de ton ancien maître, soit venu la déposer à Jobar il y a quelques temps! J'ai des données sur cela, c'était il y a 30 ans! Lorsque M. Jokerman a voulu le poste de professeur de manga à Jobar, il est venu ici même pour y poser quelque chose, mais je ne l'ai pas vu. Ici même? Tu veux dire, dans ta pièce secrète remplie d'objets volés? Empruntés! Des objets empruntés! Vous êtes content maintenant? Alors laissez-moi tranquille à présent. J'ai vu quelques DVD de drama japonais dans la salle des professeurs. J'y vais. C'est cette porte-là? Et derrière, le double fond. Wouah! Incroyable! C'est encore plus grand que ta description, Hachi! Pas le temps de s'extasier, il faut vite trouver le Macross! Eh, mais c'est à moi, ça! Oh, elle me l'a encore piqué! Ah, ma chaussette! Mon cahier à idées! Je le cherchais partout! Ah, quel chippy! Eh, les Minus! Vous avez pas du feu pour ma clope? Le dernier briquet que j'ai trouvé est vide. Et t'es qui, toi? D'où tu sors? C'est plutôt à moi de vous demander ça. J'habite ici. Ah bon? Et tu vis dans le dépotoir d'Arietti? Ouais. En fouillant bien, y a de quoi s'amuser. Des vieilles consoles et plein de mangas à lire. Tranquille, la vie. Je m'appelle Evans. Enchanté! Pareil, pareil. Donc, qu'est-ce qui vous amène ici? On cherche un truc. Il y a des hentai dans la bibliothèque de droite, si vous voulez. Sérieux? C'est bon à savoir. Une arme, on cherche une arme. Il y en a quelques-unes dans le coin. Différents sabres et quelques flingues. Mais il y en a plus beaucoup qui fonctionnent. Ouais, on n'est pas vraiment avancé. Je sais que ça a une lame, ça c'est sûr. Et ça doit être un truc technologique ou magique ou un truc du genre. Me dites pas que vous cherchez le Macross. Ben, si. J'aurais jamais cru que Don Banawa enverrait des gamins. Alors, vous savez quelque chose? Répondez. Évidemment que je sais quelque chose. Le Macross que tu recherches, c'est moi. De quoi? Le manga Solitaire, ça vous dit rien? Évidemment que si, qu'est-ce que tu crois? Moi je l'ai pas lu encore. J'ai juste maté quelques épisodes, c'est au programme de deuxième année. Mais si, Evan c'est le nom d'un personnage du manga. Il peut se transformer en arme. Mais alors? Je suis... la faux Evans. Une faux? Mais qui la manipule? C'est... la mort. Ce Macross sert à tuer. Faites gaffe, il peut fendre l'air. C'est ça, venez vous battre. Vous êtes là pour me détruire, non? Attention! Tu es fini, ma mignonne! Arcoute! Nitam, répète le sourire! Ton armure de Pégase, elle est en miettes! Bien joué, mon petit! Mais tu n'auras pas cette chance deux fois! Ouais. Nitam, prends ça! Un Shinai? Excellente idée! Qu'est-ce que tu comptes faire avec un vulgaire sabre en bambou? C'est de plus en plus pathétique. Eh bien, viens te faire découper! Nitam, tu n'y arriveras pas. Enfuis-toi. Hors de question. On sent, Nitam va y passer. Il faut que je trouve un moyen. Là, des shurikens et des kunai. Exactement ce qu'il me faut. Enfin, j'espère. Prends ça. Que s'est-il passé? Je suis... coupé en deux. Je... vais mourir. L'un des kunai qu'Achi a lancé s'est planté dans ton manche de faux. Et j'ai tapé en plein dessus avec mon shinai. La force du coup combinée au kunai a cassé ta faux en deux. Enfin, je devrais plutôt dire... tu es mort. Je n'avais pas pensé à ça. C'était vraiment très... ingénieux. Elmiton, elle est salement embauchée. Il faut la ramener au temple du bélier. Ok, on y go. Tiens bon, Miton. Bande de moules! Cette fois, tu laisses la musique, Sashimi! Dégage de là, toi! Hachi! Très chaud! Pas ta peau. J'ai bien l'intention de te rendre l'appareil, Pawa! Ton coup de poing de la dernière fois! Et c'est Wuro Démon Ote qui t'a demandé de venir? Quelle lâche! Tu calmes le binoclard! Cette fois, c'est différent! Je t'ai vu venir ici! Je t'ai suivi! C'est uniquement pour moi! Et moi seul que je suis ici à présent! Je n'obéis plus à personne! Les adultes sont trop casse-bonbons! Wan, barre-toi avec elle! À nous deux, Malfée! Tu veux quoi? Gagner à la loyale? On a qu'à faire un janken! Je veux te voir mort! Et j'ai amené mon arme à feu favori! J'en ai décalqué du zombie virtuel sur la fourdelle avec ça! Merde, mais t'es encore plus déglingo que j'imaginais! Sushi, Sashimi, allez l'encercler! Allez! Alors, qu'est-ce que vous faites? Mais pourquoi vous foutez feu à la salle? Vous êtes débiles? C'est quoi ces pyromanes? Bon, je vous laisse vous démerder. Reste là, Pawa. Mais arrêtez de tout brûler! Mince, ils m'entendent plus! Sushi, Sashimi, faites gaffe, pas cette bibliothèque! Y'a que des Naruto là-dedans! Ça brûle trop bien! Vous qui m'en prenez feu! Vous approchez pas de moi! Tiens, reprends-toi cette radio! Kami-sama, sauve-moi! Pas encore le feu! J'ai survécu une fois, mais cette fois, c'est sûr, je vais y passer! La sortie, elle est trop loin! J'y arrive pas à temps! Racho, attrape ma main! Ferme la porte, Wan! Bon sang! Je suis mort! Merci, mon père! Je savais pas que t'étais religieux. Mais non! C'est seulement grâce aux entraînements de mon père que j'ai les bras aussi longs! J'aurais jamais réussi à choper ta main avec des bras normaux! Sauf si t'avais couru plus vite? Ouais, peu importe. Merci. Pas de quoi. J'ai pas pu te prendre le coup de poing que tu m'as donné, Pawa. Tu me le revaudras de sitôt. Ça veut rien dire. Bonne chance pour la suite. Ouais. À plus, Dracho. Allez, Hachi. Elmiton, aide-moi à la transporter. Ouais, j'arrive. Poussez-vous. Faites une place, là. Elmiton est inconsciente. Elle a perdu pas mal de sang. Les combats ont cessé. Ils ont dû négocier un temps de trêve pour que les deux camps soignent leurs blessés. Hachi, Wonald, vous avez réussi? Ouais, on a détruit le dernier instrument de terreur de Wuro Démon Ote. Vraiment? C'est incroyable. Monsieur Tid, où se trouvent les autres? Harit s'est fait capturer, mais ni Lupin, ni Bronx n'ont eu cette chance. Quoi? Tu veux dire qu'ils sont... J'en ai bien peur. Ils étaient en première ligne. Alors... Oh merde, et tous ces élèves et ces types qu'on connaît pas qui sont morts pour me protéger. Gamin, tu vas pas te mettre à chialer si on s'est battu. C'est parce qu'on l'a voulu. Papa, ça va vous? Ça va, nous sommes tous encore debout. Wercy est tombé dans les pommes quand il a vu l'ampleur de la bataille, mais rien de grave. Ah, bah me voilà rassuré. Papa, ça doit être elle. Mets le haut-parleur. Allô? Papa, c'est Winnie. Tout va bien, ma chérie, ne t'inquiète pas. Papa, c'est... Il y a eu un coup de grisou dans la mine. De quoi? Un coup de grisou? La mine a explosé. Explosé. Moi, c'est... Wario, ils sont tous morts. Non. Mais bébé, c'est impossible. Oh mon Dieu. Onizuka, pourquoi cache la zone? Wilmut. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Winnie, reste à la maison. Je vais appeler Wario pour qu'il vienne te rejoindre. Cette trêve est terminée. Si dans exactement 5 minutes, Alchipoa n'est pas là, devant moi, dans la clairière de la forêt, j'exécute son ami Arid, puis je lance l'assaut final sur Jobar. Bon, très bien, j'y vais. Quoi? T'es pas sérieux, Hachi? Bien sûr que si, tu l'as entendu, non? Mais tu vas te faire tuer! On verra bien, mais je peux plus laisser tout le monde se faire tuer pour moi. Pour toi? Pour toi? Pourquoi tu crois que Lupin, que Bronx et que tous les autres sont morts? Chacun d'eux connaissait les risques. Ils l'ont fait pour eux, pour survivre et pour ne pas laisser un fou furieux régner sur le monde otaku et sur les autres aussi. Ma décision est prise, One. J'y vais. Point final. Prends au moins une arme. Si tu meurs, tout ce qu'on a fait n'aura servi à rien. Non, j'irai seul les désarmer, One. Tu trouveras un moyen de le battre. Il n'a plus aucun Macross, plus d'armes de destruction massive. Hachi! Bonne chance. Je suis revenu plusieurs fois de l'enfer. On dit que ça permet de développer un sixième sens. C'est la fin pour moi cette nuit. Un orphelin dans un monde qui le dépasse. J'ai toujours été persuadé que j'étais plus inutile à la société que Rémi sans famille. Je ne pensais pas que j'avais un don pour la culture japonaise. J'avais pas jusqu'à dire que c'était un réel choc, mais bon. Jobar, c'était quand même autre chose qu'un collège de banlieue. Je me demande ce que font l'oncle Venom et la tante Pecunia. Sûrement en train de préparer les 40 cadeaux pour l'anniversaire de Bidley. Je les regretterai presque. Jobar est vraiment magnifique la nuit. Bon, j'avoue, ce serait encore plus beau si c'était pas des ruines en feu, mais bon, quand même. C'est vrai que... Aïe! Même plus moyen de philosopher sur ma mort sans me casser la tronche! Saleté de buisson! Mais c'est la réplique du Kintama que j'avais attrapé lors du match d'Angelic Killer? Ça veut dire que le dé du risque est à l'intérieur! J'avais complètement oublié! La dernière des trois reliques du monde des ténèbres. Si je me souviens bien, il exauce les vœux, seulement s'il tombe sur bonne fortune. Mais il y a une chance sur 20 de tomber sur mauvaise fortune. Au point où j'en suis, vaut mieux que je le lance. Allez, petit dé, je souhaite survivre à cette confrontation contre Wario Demroté. Et bonne fortune! C'est toujours ça de prix, mais bon, j'y crois pas trop. Par mesure de sécurité, je vais le lancer dans l'océan. Comme ça, plus personne pourra l'utiliser. Ya! Allez, en route vers ma mort. Si vous me permettez, maître, j'aimerais vous lire ce haïku que je viens de composer. Puis-je ? Évidemment, mon cher ami ! Tu sais bien à quel point j'aime tes poèmes ! Combat acharné, obscurité étoilée, avis de décès. Très joli, Watari ! Ces quelques vers sied à ravir à l'ampleur de la situation. Eh bien, j'ai failli attendre Hachipoa. Qu'est-ce que... Oh non, Hachi, pourquoi es-tu venu? Faites-le taire! Bon, très bien, tu as bien réagi. Je te laisse encore une chance, une toute petite chance. Je peux sortir la puce dans ta tête sans te tuer, c'est du domaine du possible. Je te laisse une place de premier choix sous mes ordres. Supplie-moi à genoux de te laisser la vie sauve et je t'épargnerai. Qu'en penses-tu? J'ai le cœur sur la main, tu ne trouves pas? Jamais! Tue-moi! Qu'est-ce que je vous avais dit? Il n'est pas très futé! Mais j'aime bien ça! Je vais te montrer quelque chose d'inattendu, Powa! Avant ta mort! Démo, tu peux venir! Salut les amis! Démo? C'est quoi les histoires là? Ce cher Démo! Tu n'as pas trouvé bizarre qu'il ne vienne pas t'aider quand tu l'as appelé dans le manoir des malfaits? Il y a une réponse terriblement simple à cette énigme. Demo est un cyborg. Et oui, mon petit Assi, j'ai tant espéré que tu viennes me chercher quand j'étais chez cette faux-foise directrice Tsunade. Je suis un être humain en réalité. Je suis... Ta mère, Hachi. Maman? Mais... Hein? Ta tête est à mourir de rire, Hachi. Dire que j'ai attendu plus de 10 ans pour voir ça. Et oui, mon cher, ta mère et moi avons tout manigancé depuis le début. C'est une révélation encore plus inattendue que celle de Toby, qui est en fait Obito. Elle s'est mariée à ton père, Jace Powa, pour lui faire un enfant. C'était un peu excentrique de ma part, je dois dire. Le maître voulait que je mette au monde un enfant afin qu'il puisse y implanter sa puce électronique quand le moment serait venu. Il ne voulait pas confier cette tâche à quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais trouvé Jace repoussant, même s'il m'énervait passablement. J'ai insisté pour qu'on t'appelle Hachi. Jace n'était pas convaincu du nom, mais il a finalement accepté, voyant que c'était important pour moi. Après que le maître l'ait tué, c'était obligatoire que tu finisses par crécher chez ma sœur, qui s'était mariée avec ce... Bentley. Avec Blackjack en prison, il était certain que Dumbanawa t'enverrait chez ta seule famille restante. Je comprends pas. C'est très simple pourtant. Si on traduit Hachi en japonais, on obtient le chiffre 8. Et Powa signifie le pouvoir. Allez, mon chéri, essaye de reconnecter ton cerveau. 8 pouvoir ? 8e pouvoir ? Bingo ! Ça veut donc dire que je suis aussi un Macross. Il fut loin la détente ! Grâce à la puce dans ton cerveau, j'obtiendrai enfin mon dernier pouvoir, le plus puissant ! À l'époque de mon coma, certains anciens Hellboy ont parlé sous la torture. Ils ont divulgué le fait que je t'avais planté une puce électronique ! Dumbanawa n'a pas eu ta garde, et les médecins ont jugé que cela n'affecterait pas ta santé. Si tu n'avais pas vécu chez ces casse-culs, il est possible que Dumbanawa aurait cherché à analyser la puce par n'importe quel moyen. J'ai fini par me réveiller, et j'ai joué au mort pendant un temps pour focaliser Dumbanawa sur autre chose que la puce. J'ai lâché des bribes d'informations comme quoi les Macross 7 étaient 7, mais en réalité, il y en avait un de plus. C'est pour ça que j'avais de temps à autre des visions de ces objets. Il est vrai que je regrette la perte de ma clé du Millennium et de l'automail par un concours de circonstances. Dumbanawa commençait à comprendre mon plan et s'est mis en tête de me mettre des bâtons dans les roues quand il a vu les Hellboy à la Coupe du Monde. Peu importe, il ne me reste plus qu'à aller chercher les 5 autres. Vous êtes bien loin du compte, cher Tam Jokerman. Nous les avons tous détruits. Il ne reste plus que moi. Comment ? Le Death Note, l'œil de Kuruta, le masque de Hollow, le Shugokara et la faux Evans. Nous les avons tous détruits. Tu es à notre merci. Vous vous êtes introduit dans ma chambre forte à Tokyo. Tu as détruit ma faux ? J'ai mis une éternité à la créer. C'est pour cela qu'il s'appelle Evans, comme mon nom de jeune fille. Dumbanawa, maudit sois-tu ! Tu avais tout prévu, n'est-ce pas ? Mais pas tout apparemment. Vivi ? Oui, maître. Il se trouve ici. Tu reconnais ceci, jeune Powa ? Non, c'est le Death Note. Tu as déjà oublié que c'était moi, Demota ? Je n'ai jamais détruit le cahier de la mort. Je l'ai conservé précieusement jusqu'à ce jour béni. Ce n'est pas un hasard si Tsunade, la directrice de l'école Basara, se l'est procuré. C'est moi qui le lui ai donné. Cependant, j'ai d'abord dû lui prouver ma valeur. Mes facultés hors normes de cyborg, ainsi que les modifications que le maître avait fait à mon corps, m'ont permis de la berner. Oui, ça m'a pris du temps pour l'amadouer, cette ivrogne. Je lui ai dit que tu étais en danger le jour où tu as affronté cet idiot de Vicious Malfait. Elle est venue vous aider et a utilisé sa vie en échange de celle de ton ami, grâce à une technique légendaire de ninjutsu obscur. Ah, je vois, on s'est fait avoir sur toute la ligne. À qui le dis-tu ? Mais c'en est fini des révélations ! Je vais un peu tester ce joujou avant de te tuer ! Acta Usolo, meurt d'une crise cardiaque ! Maître, arrêtez, s'il vous plaît ! Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous... Non ! Ce Death Note est certainement le Macross le plus puissant que j'ai créé avec ta puce, évidemment. Par contre, il faut avoir la personne dans son champ visuel pour que cela marche. Je t'avais expliqué un peu son fonctionnement à l'époque, rappelle-toi. Ouais, je m'en souviens bien. Allez, et qu'on en finisse. Ta mort par crise cardiaque nous permettra de récupérer la puce sans problème, vois-tu ? Ensuite, je dégusterai un sushi avec ton sang dilué dans de la sauce miso. Mais finis de parler. Maintenant que tu as compris tous les tenants et les aboutissants, il est temps pour toi de mourir, Hachi Powa ! Bankai Ryusenka ! Ah ! Professeur Snap ? Cerberus ? Toi ? Ici ? Eh oui, Vivi, j'ai tout entendu. Dire que moi, je t'ai toujours aimé. Mais c'est pour ça que tu vas mourir par ma lame. Hein ? Non ! Vivi, non ! Tu as tué l'un de mes meilleurs lieutenants, Snap ! Dire que je te faisais confiance ! J'ai toujours été du côté de Dumbanawa. Je saigne à l'épaule, Mais c'est impossible! Je devrais guérir instantanément avec le bandeau ultime! Il ne vous obéira jamais! Vous n'êtes pas son vrai maître! En combinant le bandeau ultime et le huitième pouvoir, j'aurais été invincible! Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? Son vrai maître! Oui, ça y est, j'ai saisi! Le bandeau ne guérit que si on est son véritable maître au moment de la blessure! Et si son ancien maître n'est pas Dunbalawa, c'est forcément celui qui l'a tué! C'est-à-dire toi, Snap! Je défendrai mon élève jusqu'à la mort! Car je suis le Great Professeur Snap! Cerberus Snap! Professeur Snap, oh non, il voulait juste me sauver comme tous les autres. C'est fini maintenant! J'en ai assez de toi, Chippewa! Tu n'as plus personne pour décéder à ta place! Chippewa, meurs! Abyssa, va vérifier s'il est raide! Un bout. Un chaud. Il est en vie? Oui. Alors, Serette, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Mort. Oui, mes craintes n'étaient pas fondées alors. Tout ça parce que Vicious a émis le fait que, puisque Poa avait la puce, il était lui-même immortel tant qu'elle était dans son cerveau. La preuve que non. Allez, réveille le gros tas. On va lui faire porter le corps de Poa. Oh non, Hachi! Bonjour à tous, chers otaku de Touran! Je suis Lord Woru Demoruté pour vous servir! Ils sont là, trop nombreux! C'est donc lui, le fameux Joker? Le jour se lève enfin! C'est l'aube d'une nouvelle ère! Vous n'aviez pas l'ombre d'une chance! Mais en bon seigneur, je peux vous épargner! C'est simple, mettez-vous à genoux et je vous pardonnerai! Tu débloques? Dans tes rêves, vieux Schnock! Allons, allons! C'est fini, vous ne voyez pas? Bella? Oui, maître, tout de suite. Et vous, amenez le gros ivrogne, et que ça saute! Arid? Mais dans vos bras? Oh non! Hachi! Pose sa carcasse par terre, bien en évidence. C'est bien lui! Hachi Poa est mort! C'est pas vrai! Ça suffit, les Jérémiades! Vous ne voulez pas vous joindre à moi? Alors dans ce cas, Blugori, sortez de l'eau et exterminez les otaku restants! Derouba! C'est Javel Forte! Il possède un tuant anti-Blugori! Il y aura toujours un Dunbalawa debout pour protéger les temples de l'école des otaku! Javel Forte, Dunbalawa! Le frère de mon pire ennemi! Hachi? Oui, Hachi! Hein? Qui a pris son corps? Qui? Bella, qu'est-ce qui t'arrive? Non! Elle est morte! Toi. De quoi? Comme ça, d'un coup? C'est impossible! Seul le Death Note pourrait faire ça! Où est mon Death Note? Je l'avais rangé juste là! Le cahier de la mort? C'est moi qui l'ai maintenant, Tam Jokerman. Qui est là? Hachi Poa. C'est bien pratique, ce camouflage optique qui rend invisible. Tu ne devrais pas sous-estimer le pouvoir des reliques du monde des ténèbres. Je me parle d'ici, moi. J'ai pas envie de terminer comme Spike de Taro Kuto no Ken. C'est Poa, il est vivant. Il possède le Death Note. Abyssa, viens. Vicious? Allons-nous-en aussi. Rejoignons notre fils. Oui. Allez, Hachi! Vas-y, man, tu as l'œil du tigre. Au final, les reliques sont des objets plus puissants que les Macross. Le dé du risque s'est débrouillé pour canaliser l'énergie du Death Note. Il l'a utilisé pour détruire la puce dans mon cerveau. Bon, ça demandera sûrement une petite chirurgie pour enlever les morceaux restants, mais avec le fric que j'ai gagné au tournoi, ça devrait pas poser de soucis. Assez ! Je n'ai pas peur de toi, Poa ! Tu ne pourras pas me tuer ! Je possède le bandeau ultime guérisseur ! Et j'en suis son vrai maître ! Mon corps se régénérera, même si tu utilises le cahier ! Vraiment ? Tu as sans doute raison. Ça ne me coûte rien d'essayer, alors. Tam, Jokerman. Meurt d'une crise cardiaque terriblement douloureuse. C'est ça, barrez-vous les Hellboy. Bien joué, Hachi. Vous avez vu ça? T'as été incroyable. Bon, je vais récupérer le bandeau ultime. Où est Elmiton? Ici. Elle voulait absolument voir ça de ses propres yeux. Quelle entêtée. Tais-toi, Yuya. Bravo, Hachi. Tais-toi 30 secondes, Hamilton, ça nous fera des vacances. Pardon ? Chut, j'essaye un truc. Je suis guérie. Plus aucune égratignure. Milton, comment t'as fait ça ? C'est simple. Je suis le véritable maître du bandeau ultime. Je vais vous expliquer. J'ai compris ça au moment où Orodemote s'est blessé quand on était dans la forêt. Dumbanawa avait tout prévu. Enfin, plus ou moins. Il a demandé à Snap de le tuer. Ce jour où tu les as vus s'engueuler, Wan. Je m'en souviens, oui. Snap l'a fait pour faire croire à Orodemote qu'il était le maître du bandeau. Alors qu'en réalité, son vrai maître, c'était Dracho. C'est tant pas fait de mal fait ? Tout juste. Il faut pas tuer quelqu'un pour devenir le propriétaire du bandeau. D'après moi, il y a que deux solutions. Le léguer ou frapper son propriétaire, sans le tuer. Le bandeau reconnaît alors son véritable possesseur. J'ai eu la puce à l'oreille le jour où j'ai vu Malfait guérir miraculeusement alors que Sénil lui avait crevé les deux yeux. Mais oui, t'as raison. Et ensuite, j'ai frappé Malfait au visage, la fois où on était enfermé dans son manoir. Le bandeau est donc à moi. Dans ce cas, tu peux soigner tous les blessés. On ne peut plus rien faire pour les morts, mais au moins, ils peuvent survivre. Pas de soucis. Ah, très bien, vous êtes là, tous les trois. Je tiens à vous signaler que vous avez loupé les examens de fin d'année. Hein ? Mais ça vous suffit pas qu'on ait sauvé le monde otaku ? Pas d'examen, pas de passage en deuxième année, c'est la règle ! En plus, je suis votre nouvelle directrice, alors il faut bien que je fasse respecter tout ça. Quelle vieille peau ! C'est une blague ! Moi ? Redoubler ? Pourtant, on a évolué comme des héros de shonen. On devrait passer sans problème. Vous avez de la chance ! Les cours de deuxième année ne recommenceront qu'en janvier, au vu de l'état désastreux de Jobar. Vous pouvez toujours aller à Tokyo pour repasser les examens à la session de septembre. Des examens de passage ! J'ai failli me décomposer ! On a eu chaud, c'est vrai. Hé, hey, les gars ! Gastric nous a donné des devoirs de vacances, ça saoule ! Il faut lire la série des détectives Conan ! Toute la série ? Mais il y a dans les 80 tomes minimum ! Ça gave ! Pas grave, au moins j'aurai quelque chose à faire chez les Bentley. Je suis obligé de retourner chez eux. Heureusement, j'adore les mangas. C'est quoi ton happy end foireux là ? Enfin bref, ça m'étonne vraiment que Snap t'ait aidé, j'imagine que c'est lui aussi qui a foutu l'armure de Pégase dans l'étang. Tiens, et au fait, qu'est-ce que t'as fait du Death Note ? J'ai essayé de le brûler, de le déchirer, mais rien n'y a fait. J'ai eu ensuite l'idée d'écrire Death Note dedans et ça a fonctionné. Il s'est autodétruit. Ingénieux ! Oh, voilà le Galaxy Express ! Bon, les mioches, vous avez 5 minutes pour embarquer. Non, parce que j'ai ma femme qui m'attend et Hey, mais vous êtes Ashipawa ! Et vous pourriez me faire une dédicace ? Pas de prob, de la part de l'élu. Amitié. Hop, signature et voilà. Génial ! Je vais le mettre bien en évidence dans la cabine. Je vous dépose quelque part ? Oh bah si vous pouviez faire un petit crochet dans la banlieue de Londres, ça m'arrange bien en fait. Mais bien sûr ! Et encore plus rapidement que le grand condor, monsieur Power ! Oh, ça va là, on vous ennuie pas ? Nous on se démerde à la gare comme des touristes peut-être ? Oh, Hachi, on se revoit l'année prochaine, hein ? Bien sûr, Arid, mais j'espère que ce sera moins dense en événement que l'a été cette année. C'était ouf. Il faudra qu'on parle du spectacle des deuxièmes années, Arid. C'est moi qui en suis chargé pour l'année prochaine. J'ai une idée explosive avec une voiture volante. Pas de soucis, on leur préparera un truc d'enfer. Allez, à l'envoyure, les mômes. Au revoir, Arid. Au fait, Juan, tu m'as sauvé contre la faux Evans et tu as pris soin de moi quand je t'ai blessé. Tu ne voudrais pas sortir avec moi ? Avec toi ? Moi ? Toi, moi ? Bon, je vais voir. Peut-être plus tard, après tout, t'as encore pas trop mal et t'es assez rigolote quand tu... Oh, Gouja ! Tant pis pour toi ! J'ai déjà choisi le titre de mon prochain yaoi ! Il s'intitulera « Amour naissant entre un rouquin et l'élu de son cœur ». Nah ! Bah, ça va, hein, on peut rigoler. C'est vrai que j'ai promis à ta sœur de devenir son copain et de me marier avec elle. Et elle sera à Jobar l'année prochaine. Ah bah dis donc, vous en faites des projets à long terme, vous. J'ai déjà décidé du nom que je donnerai à mon fils. Jabus Cerberus Power. Ouh la vache, il va morfler quand il sera grand. Moi, si c'est une fille, ça sera Woz. Et si c'est un garçon, Hugo. Non, sérieux, faut que vous arrêtiez avec vos prénoms en W, quoi. Moi, je trouve ça joli. Ça fait pitch, je te dis. Mia ! Aïe ! Mais t'es malade ! Je suis le maître du bandeau ultime ! Ah, non, c'est moi ! Ah, ah, tiens ! Mais c'est moi ! Non, c'est moi, je te dis ! Non, c'est moi le maître ! Non, c'est moi et c'est tout ! Ah, je suis l'élu ! Ah, ah, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, tiens, t